Aujourd'hui, un Indien dans la ville, la visite du chef indien Raoni à Paris en 1989. Notre invité, Valérie Cabanès, en duplex et en direct de Bastia dans les studios de France Bleu RCFM. Bonjour. Bonjour. Vous êtes juriste international, très impliqué dans la défense des droits des peuples autochtones et la reconnaissance des droits de la nature. Plus précisément, vous conseillez l'initiative des Nations Unies Harmony with Nature. Vous êtes membre du conseil de direction de Global Alliance for the Rights of the Nature et cofondatrice de l'ONG Notre Affaire à Tous. Votre dernier livre, Homo Natura, en harmonie avec le vivant, c'est son titre donc, est paru en 2017 chez Buchet-Chastel. Alors nous venons d'entendre ce récit autour de Raoni et ses problèmes très graves hein, qui sont au cœur de notre actualité politique, économique, écologique. On l'a vu au G7, les déclarations des chefs d'État sur la planète, les feux qui dévorent l'Amazonie, les provocations de Jair Bolsonaro, le président brésilien. Que se passe-t-il réellement en Amazonie, mais aussi dans le monde? Est-ce que les forêts brûlent ailleurs et toujours et beaucoup trop? Oui, c'est vrai que je vous ai écouté pendant ces 40 minutes. On peut se sentir un peu déprimé, mais en même temps, c'est une réalité qu'il faut qu'on regarde en face. Je crois qu'à un moment donné, il faut vraiment qu'on sorte du déni, que chacun comprenne qu'il faut chercher vraiment des solutions pour arrêter cette destruction, en particulier, oui, des forêts tropicales, parce qu'il n'y a pas que l'Amazonie, il y a aussi la forêt indonésienne, la forêt de la République démocratique du Congo. C'est une espèce de ceinture verte autour de la Terre, qui permet de réguler l'oxygène, qui permet de réguler le cycle des pluies. C'est un peu, si vous voulez, notre ceinture de sécurité qu'on est en train d'abîmer. Et ce qui se passe au Brésil est une vieille histoire. Bien évidemment, et je suis la première à le dire, depuis l'arrivée de Bolsonaro au pouvoir, les choses s'accélèrent. Vous savez, en 31 jours, cette année, ont été détruits la moitié de ce qui a été détruit en 8 ans sous Lula, de 2004 à 2012. Et le chiffre est éloquent. Ça avait été, donc on est dans une situation qui est devenue extrême, mais qui existe depuis très longtemps. Alors, on est bien d'accord, enfin, il me semble logique que la solution, elle doit passer, ne peut passer que par une gouvernance mondiale, puisque le problème est mondial. Êtes-vous d'accord avec cette approche? Alors, bien évidemment, je suis d'accord. Le problème, c'est qu'en droit, si vous voulez, ce que moi j'appelle les communs naturels, c'est-à-dire ces grands écosystèmes qui sont vitaux pour le maintien de la vie sur Terre et donc pour la pérennité de l'humanité, que sont les forêts, que sont les océans, que sont les pôles, ces communs naturels sont considérés aujourd'hui comme 100 mètres, mais ils sont exploitables par tous. C'est ce qu'on appelle des res nullius. Et je crois qu'effectivement, il faut aller vers un droit qui reconnaisse ces communs naturels comme des sujets de droit et qui ait la possibilité de défendre leur rôle, de défendre leur droit à exister et à jouer leur rôle dans la communauté de vie. Donc, il y a un vrai débat qui s'oppose, bien évidemment, je dirais, à la pierre angulaire du droit international, qui reste aujourd'hui le principe de souveraineté nationale. Peut-être que l'espoir est dans la communauté internationale, peut-être encore faut-il s'en donner les moyens politiques. L'espoir est peut-être aussi, et certainement d'ailleurs, hors du champ politique, entre les mains des jeunes, à travers le monde, parce que c'est leur monde, hein, c'est celui de l'alerte écologique, c'est celui de la prise de conscience et du combat quotidien pour préserver l'environnement. C'est notamment la génération Y, les 20-35 ans. Notre reporter, Anaël Verzo, a voulu en savoir plus. Bonjour, Anaël. Bonjour. Vous avez rencontré Alexia Soyeux. C'est une jeune femme de la génération Y, justement, là, 33 ans. Et alors, elle nous intéresse sur le fond et aussi parce qu'elle a lancé un site internet de podcast qu'elle autoproduit sur l'écologie. Ça s'appelle Présage et ce sont des interviews de personnes qui ont réfléchi, travaillé sur l'écologie. Et son but, c'est de donner des clés. Issue de la classe moyenne parisienne, rien ne l'a prédestinée, a priori, me semble-t-il, à s'engager à ce point. Non, elle était même partie pour une carrière dans l'alimentaire, la guimauve plus exactement. Et avec le sourire, elle raconte être passée de la guimauve à l'effondrement. Alors Alexia, notre émission est consacrée à l'Amazonie. L'agence spatiale brésilienne a répertorié 73 000 feux dans la forêt amazonienne depuis le début de l'année. C'est une hausse de 84% par rapport à la même période l'année dernière. Au total, la zone déforestée en Amazonie représente la surface de la France. C'est 20% de notre oxygène. En cause, il y aurait la déforestation et le changement climatique. Comment, d'après vous, éviter le dérèglement de la forêt amazonienne ? Je pense qu'il y a tout un faisceau de raisons pour lesquelles on en est arrivé là. Les entreprises, les décideurs, c'est une même culture dominante qui détruit les ressources, qui oppresse les personnes. Tout ça est lié et je pense que c'est important qu'il y ait une vision vraiment systémique des choses qui se diffusent au-delà de simplement la partie juste climatique du problème. Finalement, je pense que le focus sur le climat empêche de voir que les problématiques sont beaucoup plus larges que ça, quoi. Ce qu'on comprend à travers ce que vous dites, c'est qu'en tout cas, les solutions sont politiques, au sens global du mot politique. C'est pas juste en faisant le tri des déchets et, c'est ça, et en mangeant bio qu'on y arrivera. Faire sa part, c'est important, mais les combats sont très collectifs et politiques et on a un problème de définition des mots. En fait, quand on parle d'écologie, tout le monde ne parle pas du tout de la même chose, quoi. Il y a d'un côté une écologie industrielle qui finalement n'est que le prolongement de notre système actuel et qui nous promet que demain on va pouvoir vivre de la même façon, mais tout en ayant verdi l'ensemble de la société. Ça, c'est pas votre idée, hein, je sens. C'est pas mon idée. Non, je pense que voilà, c'est une illusion totale. Et à l'autre bout, il y a une écologie beaucoup plus au sens vraiment complet et plein du terme, et qui englobe du coup les problématiques et sociales et environnementales. Il faut arrêter ce système extractiviste, productiviste, industriel, qui transforme tout en ressources, puis en déchets, très rapidement, quoi. Et Alexia, vous vous souvenez forcément de Nicolas Hulot, ministre de l'écologie, qui démissionne en disant « Le problème, c'est qu'on doit se confronter au poids des lobbies. » Il dit ça, c'est insupportable. Est-ce que, selon vous, il y a un problème de courage politique face aux lobbies ? Comment est-ce qu'on fait politiquement pour agir face aux lobbies ? Je pense qu'il y a un problème de courage. Il y a un manque d'audace politique. Et puis j'ai l'impression que le pouvoir pervertit les gens assez vite, quoi. Donc je pense qu'il faudrait peut-être aller vers plus de démocratie directe, des gens vraiment représentatifs, quoi. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à des personnes qui ont envie d'agir, un peu comme vous, mais qui se sentent inutiles, qui disent « oui, je vois tout ce qui se passe, mais à mon petit niveau, je peux rien faire ». Je pense que l'engagement, il est évidemment nécessaire. Il faut se mobiliser massivement, mais c'est pas avec des marches pour le climat ou des sittings devant des institutions qu'on va faire avancer les choses, visiblement. Donc, moi, mes réflexions du moment, elles me poussent à penser que la situation va se tendre à un point que il va falloir être beaucoup plus radicaux et peut-être passer à d'autres types d'actions, de blocage, de sabotage, que sais-je. Et je pense que le système en place est assez fort pour nous faire imaginer qu'il n'y a pas d'alternative. Et ça, c'est très toxique, quoi, comme idée. J'essaie de me rappeler aussi que l'histoire n'est pas écrite d'avance et qu'on n'est quand même pas à l'abri de basculements positifs. Bon, après, rien dans la situation actuelle ne nous invite vraiment à l'optimisme. Mais, vous n'êtes pas naïve Non, voilà, mais au quotidien, je suis enthousiaste. Et combative. Ouais, c'est ça. Combative, on va dire. Valérie Cabanès, c'est aux arbres citoyens, hein. Ça passe par l'activisme, le discours d'Alexia, peut-être même quelques formes de désobéissance civile. Est-ce que c'est une voie, l'activisme, qui est souhaitable pour vous dans ce combat-là ? Oui, simplement j'ai choisi la voie du droit et j'encourage effectivement les jeunes au sein de notre affaire à tous à nous rejoindre et à nous accompagner. Je vais vous donner un exemple très concret. Je dis souvent que le droit est le dernier rempart avant la violence et Alexia a raison de dire qu'on est arrivé à un point qui risque d'être un point de rupture et qu'il faut donc tout faire pour inventer de nouveaux modes de gouvernance et inventer de nouvelles règles du vivre ensemble pour pouvoir justement continuer parce qu'on ne le fait pas, mais en tout cas respecter les limites de la planète, celles qu'elle nous offre et qui nous permettent effectivement de vivre dignement. Donc on va chercher en fait le courage des juges quand on n'obtient pas d'avancées politiques par rapport aux propositions que l'on peut faire en ce qui concerne la reconnaissance par exemple du crime d'écocide, c'est-à-dire un crime idéalement international qui reconnaisse que quand on porte atteinte gravement au commun naturel ou à des cycles écologiques qui maintiennent le vivant, c'est une forme de crime international. Et ça veut dire sanction. Et ça veut dire sanction dès lors qu'il a droit. Et ça veut dire sanction. Voilà. À partir du moment où il y a sanction, il y a donc dissuasion et il y a une possibilité, en particulier en reconnaissant justement les droits des des écosystèmes à exister et donc leur possibilité de défendre leur droit à exister en justice, il y a une possibilité de mettre en place un droit qui devient préventif. En France, on a par exemple le préjudice écologique, qui est une avancée certaine, juridique, mais qui ne peut intervenir qu'après la catastrophe. Et là, étant donné l'état de la planète, il faut absolument poser des contraintes et donner la possibilité à des écosystèmes d'être préservés en amont de projets industriels. Vous savez, par exemple, en Colombie, puisqu'on parlait des jeunes, c'est 25 jeunes colombiens de 7 à 21 ans qui ont saisi la Cour suprême colombienne en avril 2018 en leur disant, écoutez, on a constaté un bond du déboisement de l'Amazonie en Colombie, de 46% en un an. C'est une véritable menace faite à nos droits en tant que génération future, puisque cela va contribuer à emballer le changement climatique. Et la Cour leur a donné raison. D'une part, elle a reconnu leur droit à un environnement sain et a obligé le gouvernement à mettre en place un plan d'arrêt du déboisement. Et ensuite, elle s'est dit, mais en fait, l'Amazonie étant un commun naturel dont tout le monde a besoin, reconnaissons l'Amazonie colombienne comme une entité juridique, un sujet de droit qui puisse défendre son droit à exister en justice. Alors, et là, oui, pour moi, il y a une clé. Il y a une clé, et j'ai retenu que c'est une initiative des jeunes, effectivement. Le combat écologique a quelque chose de révolutionnaire dès lors qu'il doit déboucher sur un autre paradigme, dès lors qu'il va dans le progrès, dans le sens du mouvement. Et puis, il y a l'autre sens, c'est le sens réactionnaire. Et le 7 septembre dernier, Maxiel dos Santos, un Brésilien qui œuvrait pour la défense des peuples autochtones d'Amazonie, était tué par balle. Il travaillait pour une association pour la protection des droits des peuples autochtones dans le territoire du Vale do Javari, réputé pour être la cible de braconnage, d'orpaillage, d'exploitation illégale du bois. Je veux dire, est-ce qu'avec l'arrivée de Jair Bolsonaro à la tête du Brésil, les Indiens d'Amazonie sont-ils en danger ? Alors, ils sont en danger depuis longtemps, mais c'est vrai que depuis son arrivée, on a, d'une part, en fait, si vous voulez, très concrètement, ce qu'a fait Jair Bolsonaro à son arrivée, c'est créer un climat d'impunité pour les propriétaires terriens, pour les exploitants de bois, d'or, et en agissant directement sur des lois ou sur des organismes qui avaient à charge de contrôler ce qui se passait en Amazonie, et en arrêtant aussi le principe de la démarcation des terres indigènes, qui est un droit constitutionnel qui permettait aux peuples autochtones d'Amazonie de préserver leur territoire. Ce qui se passe donc, c'est que il y a des personnes qui aujourd'hui envahissent les territoires autochtones de façon très violente, mais on a vu ce fonctionnement-là, par exemple avec les Guarani, qui ont été littéralement chassés de chez eux, qui vivent aujourd'hui dans des camps ou en bord de route, avec des taux de suicide extraordinaires, parce que ils sont leurs territoires sont aujourd'hui la proie véritablement d'une sorte de colonisation agricole et de colonisation qui est en lien avec le pouvoir complètement. Donc Valérie Cabanès, je suis vraiment désolé de décourter cette conversation passionnante, mais nous n'avons pas plus de temps que ce qu'on nous accorde. Il est presque 16 heures. J'ai bien retenu que l'axe, pour vous en tout cas et pour beaucoup d'autres, c'est le droit. Hein, c'est le droit international, le droit qui protège, qui donne des droits et qui sanctionne quand il le faut. Merci infiniment Valérie Cabanès. Au revoir. Merci. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, la forêt amazonienne, une émission que vous pouvez réécouter en podcast. Rendez-vous sur la page Affaires Sensibles du site de France Inter également pour toute information complémentaire à notre émission et, si le cœur vous en dit, à vos commentaires. À la technique aujourd'hui, il y avait Ronan Maher. À suivre, Antoine Decaune, pop pop pop. Bonjour cher Antoine. Bonjour au Fabrice. Programme. Fabrice, je suis sûr que vous aimez Fedot. Ah bah oui, alors vraiment, il est très sincère. Je suis sûr. Donc je connais bien en plus. Adoré la dame de chez Maxime, mais qui oui, vient de se monter avec Michel Lescaut, notre invité. Et nous recevrons aussi Lena Bloom, un top modèle, icône et désormais actrice transgenre pour un très beau film qui a pour nom Port Authority. Beau programme, merci, à tout à l'heure. À tout à l'heure.